Avant d'entrer dans le vif du sujet et d'aborder véritablement la notion de conscience, qui va être vraiment centrale pour comprendre ce que c'est que le sujet humain, on va d'abord faire un bref résumé de l'histoire de cette notion de sujet en philosophie, voir un petit peu comment elle s'est constituée, en très, très grand trait, hein. Alors, d'abord, et ça explique un petit peu pourquoi j'ai voulu commencer par cette distinction entre d'un côté le sujet du discours et le sujet réel, on va partir d'un auteur qui est Aristote. Parce que pour Aristote, il y a bien un lien entre d'un côté le sujet logique, c'est-à-dire le sujet de la proposition, ce sur quoi porte un énoncé, et le sujet ontologique, c'est-à-dire l'être réel, l'être qui existe dans le monde. Pourquoi? Parce qu'il nous dit c'est que nos énoncés, donc les phrases que nous prononçons, elles portent toujours sur ce qui est, c'est-à-dire ce que lui, il appelle la substance. La substance, qu'est-ce que c'est? C'est un peu, chez Aristote, un équivalent du sujet. La substance, c'est ce qui est support de prédicat dans nos énoncés. Mais si je peux attribuer ainsi des attributs à un sujet dans une proposition, c'est bien parce qu'en réalité, il y a bien des individus qui ont des propriétés et au sujet desquels nous pouvons prononcer des propositions. Voilà. Voilà. Quand je dis Paul est chauve, voilà, je reprends cette phrase de Paul est chauve, cette phrase, potentiellement, elle peut s'appliquer à un être dans le monde réel qui va s'appeler Paul et qui va avoir la propriété d'être chauve. Bon, et s'il se trouve que ma phrase n'a aucun référent dans le monde réel, c'est-à-dire qu'elle ne s'applique à aucun être, il n'y a aucun Paul qui est chauve, eh bien ça veut dire que ma phrase est fausse, elle est incorrecte. Mais en tout cas, nous dit Aristote, il y a toujours un lien entre d'un côté nos énoncés et d'autre côté le monde réel. Bon, alors ce qu'il nous dit ensuite, c'est que nos énoncés, quand nous attribuons des propriétés, il nous dit certaines propriétés, elles sont essentielles et d'autres sont accidentelles. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que certaines propriétés essentielles, ce sont celles qui définissent une substance, qui appartiennent nécessairement à une substance, alors que des propriétés accidentelles, ce sont des propriétés qui ne définissent pas une substance. On va donner un exemple. Bon, par exemple, il y a une propriété essentielle pour la substance Socrate, c'est d'être un homme. Voilà, Socrate est un homme, ça le définit absolument. Comme il est un homme, nous dit Aristote, il est rationnel. Voilà, pareil. Donc la rationalité, c'est une propriété qui appartient de façon essentielle aux hommes. Donc tout être qui est un homme, eh bien, il est aussi rationnel, il est aussi doué de raison. Donc ces propriétés-là, elles sont essentielles parce que elles définissent un être. Et elles lui appartiennent essentiellement, on ne peut pas les lui enlever, sinon il n'existe plus. D'autres propriétés sont accidentelles, c'est-à-dire qu'elles ne définissent pas essentiellement. Par exemple, Socrate est blanc, voilà, il se trouve qu'il est blanc, mais il aurait pu être d'une autre couleur, et puis même ça peut changer. Voilà, si Socrate reste à l'ombre, bon, il reste blanc, mais si, il va au soleil, il va devenir rouge, il va prendre un coup de soleil. Bon. D'autres propriétés peuvent changer de façon très très rapide. Voilà, par exemple, Socrate est assis, cet énoncé peut être correct à un moment donné, mais puis il va se lever, il va marcher, donc là ça ne marchera plus. Donc cette idée de substance, ça désigne l'être réel qui existe dans le temps et dans l'espace, mais qui va être soumis au changement. Donc les propriétés essentielles de la substance, ce sont celles qui ne vont pas changer. Les propriétés accidentelles, ce sont celles qui vont se modifier au cours du temps selon ce qui arrive à ce sujet. Voilà. Donc Aristote, il faisait vraiment ce lien entre d'un côté le sujet logique et le sujet ontologique, donc entre le discours, le sujet du discours et l'être qui existe dans la réalité. Il nous dit, si nous pouvons parler, dire des choses des êtres, c'est bien parce que les êtres existent et que nous pouvons comparer nos discours à la réalité. Voilà, et parce que nos discours sont censés s'appliquer à des choses qui existent dans la réalité.